soir. Il semble qu'ils vous ont stationné loin, ce soir. C'est nous autres qui est loin, c'est vous. Vous avez reculé. Il paraît que tu lances des postillons. Oui. Alors, bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp, qui a pour titre « Québécois, une race d'élus, un peuple élu ». On va voir s'il y a une différence entre une race et un peuple. Je me présente, Charles Villeneuve, je suis homme d'affaires. François Martel, éducateur physique. Michel Lasserre, policier et homme d'affaires. Alors, comme première question, j'aimerais savoir si j'ai fait un lapsus ou si j'ai posé une question. Est-ce qu'il y a une différence entre une race et un peuple? Il y a effectivement une grande différence entre une race et un peuple. Laquelle? Ou lesquelles? Ça ne s'écrit pas pareil. Une race, bon, un peuple, c'est un phénomène qui permet l'accrétion, qui permet l'acceptation à l'intérieur d'un groupe de d'autres races. Donc, si on parle du peuple québécois comme un peuple élu, ça veut dire que des individus qui font partie, par exemple, de d'autres races, ça peut être la race noire, ça peut être la race jaune, la race blanche, peuvent faire partie du peuple québécois. Si on dit le peuple québécois une race, à part une race d'élus, alors là, c'est différent. Ça veut dire que la personne doit avoir dans ses gènes ou dans ses structures astrales réincarnatives des mécaniques particulières qui vont faire en sorte qu'elle appartient à une race. Et cela veut dire que si c'est cette race qui devient la race élue, cela exclut les autres races nécessairement qui seront donc des races déchues. Alors là, ce qu'on dit un peuple élu, c'est, ça sous-entend donc que ce sont les gens qui habitent physiquement l'endroit qui est le Québec? Bon, un peuple élu, ça sous-entend que c'est évidemment les individus qui habitent le Québec, mais ça sous-entend surtout les individus qui vont faire partie d'une attitude nouvelle qui est celle du Québec, ou qui sera celle du Québec. Ça peut être un État, être un Québécois. Est-ce qu'on peut habiter en Afrique et être à l'intérieur, être un Québécois? Oui. Parce que le Québec, premièrement, le Québec, c'est un mot qui date de longtemps. C'est un vieux mot, Québec. C'est un mot ésotérique qui, à l'origine, s'écrivait dans les deux sens. Ça s'écrivait K-E-B-E-K, alors de Québec, Québec, d'un bord ou de l'autre. Et c'était très, très, très associé à un autre mot ésotérique qui portait le nom de Laval, qui s'écrit aussi Laval, Laval, d'un bord ou de l'autre. Et ce mot est un mot qui désigne, dans un langage celtique, la terre promise. Donc, un individu qui est un Québécois, c'est évident que par la suite, lorsque Christophe Colomb a été amené à découvrir l'Amérique, évidemment, c'est sûr qu'il ne peut pas manquer son coup. C'était entre où ce qu'il allait et d'où il venait. Hein? C'était entre l'Inde et lui. Alors, Dieu avait créé une Amérique assez vaste pour être sûr que Colomb ne la manque pas. Alors, il s'est repris à plusieurs fois, il a découvert bien des places. Il y a Américo Vespucci qui a trouvé un bout. Il y a Christophe Colomb, puis Jacques Cartier qui allait ailleurs. Mais évidemment, 600 ans après les Vikings. Et quelques 2000 ans, d'ailleurs 3000 ans après les Égyptiens, puisque les Égyptiens avaient aussi été en Amérique. Ils avaient été ramassés des feuilles de tabac, du tabac, des choses comme ça, dans l'époque de Ramsès, par exemple. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que le Québec, à l'origine, donc du point de vue ésotérique, c'est devenu un terme ésotérique pour pouvoir désigner le paradis, mais c'était un paradis qui n'était pas chrétien, pour pouvoir désigner la quête de Moïse, pour pouvoir désigner une terre promise. Et lorsque l'ancien continent a découvert le nouveau continent, surtout lorsque les Français sont installés surtout au Québec, l'Europe, et qui a colonisé la partie la plus importante de l'Amérique, ça a été les Britanniques et les Français. La majorité des individus qui sont ici font partie de la race teutonique anglo-saxonne. Cela veut dire qu'ils font partie des descendants, non seulement des Teutons, donc des Vikings, des Norvégiens, etc., et des Anglais et des Saxons. Maintenant, il faut comprendre que la race anglo-saxonne inclut en grande majorité la France. Il y a eu des mélanges sans arrêt où on avait le roi de l'Angleterre qui était le roi de la France, qui était le roi de, etc., et de la Normandie. Le fleur de lys a été longtemps le symbole même de la Normandie. Ça a été le symbole qui appartenait au roi Richard, Richard de Plantagenet, donc Richard Cœur de Lion, qui lui est un Britannique, donc un Anglais, disons un Anglais, pas un Britannique, un Anglais, un Saxon. Et progressivement, ésotériquement, dans certains langages, des langages occultes, des langages d'oiseaux, donc des langages d'initiés, le mot Québec, K-E-B-A-K, va devenir le terme désigné à la terre promise. Lorsque les Blancs les Teutons anglo-saxons arrivent ici, colonisent, évidemment, ils vont se faire la guerre parce qu'il y a toujours eu la guerre entre la France et l'Angleterre. Il y aura donné nécessairement la guerre ici entre les Français et les Anglais. Et on veut ramasser une grande partie du Québec ésotérique inconsciemment parce que c'est une terre neuve. Mais neuve veut aussi dire une terre qui n'a pas été habitée par les vraies races ésotériques qui sont nées à travers l'histoire de l'humain. Si on regarde, par exemple, les Amérindiens qui vivaient ici, si on regarde ces Amérindiens qui sont des peuplades, ce ne sont pas des peuples. C'est sûr qu'on peut dire les Amérindiens, c'est un peuple. Bon, bien, c'est un peuple avec différentes langues, différentes religions, différentes formes, différentes habitations, différents modes de vie, différents modes de guerre, puis toujours en guerre les uns contre les autres pour essayer de plus ou moins s'anéantir, de conquérir le territoire des autres. Bref, ils ne fonctionnent pas comme un peuple, ils fonctionnent comme un paquet de peuples. Étant donné l'envergure des petits peuples, c'est des peuplades. Les Amérindiens sont des descendants. Les Amérindiens sont des descendants de personnalités, de personnages qui ont vécu en Amérique, qui ont vécu en Atlantide, qui ont vécu en Lémurie et qui ont déjà été des peuples élus dans ces époques-là. Aujourd'hui, les Amérindiens, c'est un peuple qui devrait s'intégrer totalement aux peuples qui sont là, en amenant évidemment ce qu'ils ont de bon et en abandonnant ce qu'ils n'ont pas de bon. Mais le peuple ne peut pas parce que présentement, nous approchons de la naissance de la sixième race mère, celle qui va naître au Québec. D'ailleurs, pourquoi le Québec sera finalement un peuple élu, mais pas au niveau de la race, au niveau de la philosophie, disons, de la philosophie planétaire. Mais on pourra revenir un peu là-dessus, une philosophie gouvernementale planétaire. Maintenant, présentement, donc, parce qu'il va, y aura dans... Oui, c'est commencé, mais disons que collectivement, il y aura naissance de la sixième race mère, donc extinction progressive dans les 30 prochains milliers d'années de la cinquième race mère, qui est la race neuronique blanche. Pour permettre la naissance des nouvelles races, toutes les mécaniques réincarnationnelles des peuples et des races du passé se réincarnent. Donc, les Amérindiens, présentement, réincarnent tout ce qui s'est vécu chez eux, et ça a toujours été des peuples de guerre, des peuples de conquête, des peuples à la langue fourchue. Ils disaient que c'était les Blancs, mais les Blancs aussi, mais les Amérindiens avaient déjà le terme, et ils réincarnent cela, donc vivent cela. Et c'est pourquoi les musulmans veulent vivre la guerre, parce qu'à l'époque de Mahomet, c'était toujours par conquête militaire qu'on arrivait à convertir, et c'est pourquoi il y aura donc ce que l'humain appelle un apocalypse, probablement à un moment donné, parce que tous les vestiges du passé devront être digérés dans le présent par des êtres humains plus conscients que par le passé. Et c'est ce qui va donner naissance philosophiquement et finalement endocrinalement, génétiquement, à une sixième race mère. Le Québec, c'est ésotériquement un terme qui désigne l'endroit d'où va naître. En réalité, c'est faux. C'est l'endroit d'où naissent les races. Le Québec ésotérique, c'est le bouclier canadien. C'est la première terre de surface planétaire. Géographiquement, c'est plus grand ou c'est différent? C'est le bouclier canadien. Okay. Ça veut dire donc tout le Québec, à l'exception des plaines du Saint-Laurent, donc disons Saint-Jérôme, en haut de Saint-Jérôme en montant. Ça inclut le sud de l'Ontario, ça remonte par la suite et ça va ramasser une partie des territoires du centre et une partie des territoires du nord-ouest. Bon, ça, c'est le Québec, c'est l'endroit d'où naissent les races. Ésotériquement, Adolf Hitler voulait conquérir l'Hyperborée. Il voulait conquérir l'Hyperborée qu'il situait au Québec. L'Hyperborée, c'était la terre verte, c'était le Greenland, qui maintenant porte le nom de Groenland. Maintenant, du point de vue philosophique, ça ne dérange pas, Adolf Hitler voulait conquérir l'endroit d'où naissent les races. Pour pouvoir faire naître la race aryenne, selon lui. Mais la race aryenne, hélas, pour lui, elle est née fin Atlantide, au Québec, mais on parle de plusieurs des trentaines de milliers d'années. Donc, 300 milliers d'années. Alors, Adolf Hitler était en retard un peu, sauf que lui, il avait simplement été manipulé pour pouvoir forcer différentes choses, forcer l'intelligence supramentale à descendre ailleurs que dans le peuple juif, forcer les ethnies planétaires à se grouper en Amérique de façon à se mélanger génétiquement. Bon, il y avait différentes fonctions. Le Québec... Présentement, ésotériquement, il y a un territoire dans le Québec ésotérique, il y a un territoire qui porte le nom de Québec, Q-U-E-B-E-C. Pendant la vie du FLQ, le Fonds de libération du Québec, et pendant un laps de temps avec le Parti québécois, les personnalités, différentes personnalités écrivaient, le Québec de demain, ils écrivaient ça K-E-B-E-K, eux autres, pour faire différent avec le fédéralisme, Q-U-E-B-E-C, etc. Et inconsciemment, hein, je dis souvent que l'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Alors, inconsciemment, donc, c'est ce que l'humain faisait. Mais ça ressemble à les religions qui sont certaines de l'avoir à l'affaire. Là, le peuple québécois, c'est le peuple élu. Puis, pourquoi pas le peuple canadien ou non, le peuple américain ou un autre peuple? Bien, évidemment, le peuple de Los Angeles se dit ça. Hein? C'est un peuple, ça, très à part, même une race, pour plusieurs. Effectivement, tu as raison. Pourquoi le Québec, pourquoi le Canada peut dire la même chose, la France peut dire la même chose, les Juifs peuvent dire la même chose, et d'ailleurs, ils disent la même chose. Et si c'est ce qui va créer un problème? Mais, par exemple, on peut prendre l'Ontario, parce qu'on prend le Québec, on le voit par province. Je pense qu'il n'y a pas d'autres provinces, je demeure pas là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres provinces qui se disent « peuple élu » ou qui... dans un milieu spirituel, par exemple, ou ésotérique, qui dit ça. Non. La dernière fois qu'un peuple s'est cru élu, c'est lorsqu'Adolf Hitler a commencé à prendre dessus avec le parti nazi en Allemagne. Sa philosophie politique était très simple, sa philosophie économique y était liée. Pour être viable économiquement, on doit faire la guerre. Alors, lui avait prévu 1000 ans, le millénium, hein, le millénium de la Bible, mais le millénium, c'est 13 800 ans. Bon, alors lui a prévu 1000 ans, parce que les chrétiens disent 1000 ans, millénium. Il avait prévu 1000 ans de gloire de l'Allemagne. Après 10 ans, l'Allemagne était détruite par Adolf Hitler. Bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'arrivera pas à la même chose au Québec, ou il va se passer la même chose? Ce qui est intéressant surtout, c'est que la majorité des Québécois présentement réincarnent des Allemands, depuis à peu près 30 ans, alors que les Américains réincarnent des Romains, surtout. Les constructeurs, puis les Québécois sont en train de vivre une effervescence qui est différente. Ça a un rapport avec les punks, puis les... Non, ça fait partie des vestiges du passé qui ne veulent pas accepter le changement. Alors, si on regarde le clan, le QQ clan, si on regarde les skinheads, si on regarde les punks, si on regarde, pas les punks tellement, mais les skinheads, si on regarde différentes factions pro-nazis, ce sont des individus qui réincarnent à l'état pur des mécaniques du passé de l'Allemagne, et ces mécaniques-là viennent à l'intérieur de certains individus et les possèdent totalement, donc digèrent les consciences individuelles. Ça veut dire que les individus, ne digérant pas leur réincarnation, ne bénéficient pas de l'expérience des nazis, mais deviennent eux-mêmes pro-nazis d'une façon inajustée parce que le Führer n'est pas là pour leur dire quoi faire. Puis c'est pour ça qu'ils sont violents. Ils sont nécessairement violents pour la bonne cause, c'est-à-dire pour la pureté de la race en majorité. Même dans certains clans de jeunes, l'honneur, c'est de porter un médaillon de Mercedes ou Volkswagen. Moi, j'en sais quelque chose. Oui, qui sont des signes. Les jeunes achètent. Qui sont des voitures allemandes. Oui, pour la simple raison qu'ils veulent attirer le maximum d'égrégores allemands. Bon, évidemment, il y aura la croix gammée, qui est l'inverse de la Svastika. Alors, il y a la question intéressante, pourquoi, si je serais venu au monde en France, est-ce que je dirais que c'est la France, le peuple élu? C'est une bonne question. Probablement. Mais là, tu crierais plus fort. Pourquoi la France, pourquoi pas le Québec? Hein? Et parce que je le dis que c'est le Québec, le médiocrisme québécois, qui fait en sorte que, justement, on veut pas trop que ce soit le Québec, même si on a plus ou moins rien contre, mais qu'on trouve que c'est un peu flyé. Mais ça fait prétentieux. Ça fait prétentieux, effectivement. Qu'est-ce qu'on a de spécial pour dire? Bon, c'est comme de dire, es-tu un homme ou une femme? Un homme? Ça fait prétentieux pas mal que tu dises ça. Pourquoi? Bien, parce qu'il me semble que, tu sais, c'est un homme. Il dit qu'il est un homme. Ça fait prétentieux. Mais vu que c'est la réalité, c'est plus prétentieux. Mais c'est ça fait peut-être prétentieux de dire que le Québec... C'est prétentieux si tu voudrais, si tu viserais à devenir un homme parce que toi, tu mets ça sur un piédestal. Mm-hmm. Mais si tu es déjà un homme puis tu vises à devenir un homme, c'est prétentieux dans ce que tu dis, mais en même temps, c'est illusoire, tu l'es déjà. Le Québec bon, mais qu'est-ce qui me dit que je suis déjà membre du peuple élu? Parce que là... Ah, ça, c'est autre chose. Non, mais c'est la même chose. Ça, c'est autre chose. J'ai pas dit que tu étais membre. J'ai dit que le Québec deviendrait le peuple élu. OK, bien sûr, là... Qu'est-ce qui va dire qu'eux le sont? Comment qu'on va faire pour savoir ça ou comment ils vont-ils faire pour le dire? Bon, on va revenir un peu là-dessus, mais je vais devoir élaborer un peu sur ce que c'est que le peuple élu. Hein? Et puis pourquoi, bon. OK, bien, je vais revenir pour... On m'a dit j'ai soif. C'est parce que c'est facile de dire ça, peuple élu. Facile de dire, c'est pas ça. Mais il y en a bien d'autres. Là-dessus, on est d'accord, c'est facile à dire. Mais il y a beaucoup de peuples qui se sont dit élus ou sans nécessairement l'être, ils ont fait des choses pour l'être, ne serait-ce que les Allemands, mais il y a eu toutes les civilisations. Les Allemands ont été élus. Oui, mais bon, ils étaient élus, mais ça ne leur a pas donné grand-chose. Ben, jusqu'aux prochaines élections. Oui, il s'est suicidé dans son bunker, puis ça finit là. Il y en a eu toutes les grandes civilisations sur la planète, d'une façon ou d'une autre, l'élite se pensait élue ou se comportait comme telle. Ou ils pensaient qu'ils se comportaient comme tels. Les Nazaréens aussi ont été élus. Ça finit en queue de poisson, ça a été détruit. Mais c'est la même chose que la politique. Ceux qui sont élus, ils pensent qu'ils l'ont l'affaire. Fait que c'est la même chose. Tu recules dans le temps, il y avait tel peuple qui était élu, il était certain que c'était eux autres. C'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, bon, là, c'est arrivé à plusieurs peuples. Finalement, bien, le Québec, là, ça commence à être la même affaire. Bon. Là, après ça, ça va être d'autres élections, ça va être un autre peuple qui va se dire élu. Ça change pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y en a qui étaient élus parce que c'est eux qui ont sauté d'une race à une autre, les Sémites ou, bon, la cinquième race qui va passer d'une... Ils sont d'accord avec moi. Non, mais on veut savoir pourquoi. Pourquoi ça sera, bon. Ça va être différent avec le Québec? C'est ça qui est le problème. C'est que ça ne sera pas différent avec le Québec. Ah, c'est le fun, ça. Bon. Est-ce que la fin va être différente? Non plus. Le Québec va devenir un peuple extraordinaire. Il va, dans les années, on ne mettra pas de date, dans les années à venir, il va étendre sa conscience sur la planète. Après différentes tergiversations là, planétaires, et dans le Québec va avoir un règne qui va durer quelques dizaines d'années, pour par la suite s'effondrer sur lui-même, pour laisser la place par le suite à quelque chose de neuf. Bon, donc c'est une chose. Moi, quand je parle de peuple élu, je ne dis pas que les 13 800 ans vont être dirigés par le Québec. Mais ce qui est extrêmement important de comprendre, et pourquoi j'étais intéressé de faire cette conférence, c'est premièrement, c'est évident que du point de vue québécois, on a des arguments comme ces messieurs amènent, et du point de vue extra-québécois aussi, c'est bien sûr. La majorité des personnes qui immigrent ici arrivent de pays sous-développés, totalement désuets. Et lorsqu'ils arrivent ici, les gouvernements les placent dans des hôtels très, très, très dégueulasses, comme Holiday Inn, comme Sheraton et des choses comme ça. Alors, ces personnes-là reçoivent immédiatement de l'aide, bien-être social. Ils ont 300, 400, 500, 600, dépendamment de la famille qu'ils ont avec eux. Ils couchent dans des hôtels, ils sont nourris, tout ça. Et ils trouvent qu'ils sont mal reçus. Après être parti du fin fond d'un pays où ce que tu te laves une fois par mois, quand tu bois l'eau après, parce que tu n'en as pas beaucoup. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces individus-là, du point de vue du fin fond de leur conscience, arrivaient au Québec puis sont déçus. Parce qu'inconsciemment, ils viennent vers la terre promise. Ils viennent vers quelque chose d'extraordinaire. Alors, la différence de potentiel entre l'endroit d'où ils partent et l'endroit où ils arrivent, c'est beaucoup mieux, n'est pas suffisante pour leur faire oublier le fait qu'ils visaient une terre élue inconsciemment. Bon, ça, c'est une chose. On est donc manipulé génétiquement, ou un peu comme les oiseaux migrateurs qui s'en vont dans une autre région. Il y a des individus à travers la planète qui sont manipulés à s'en venir au Québec. Oui. Puis qu'à l'intérieur d'eux, c'est le paradis ou c'est... Inconsciemment, c'est ce qui arrive. Et... D'ailleurs, c'est pourquoi penses-tu que la majorité des Amérindiens revendiquent les territoires du Québec? Hein, c'est au Québec qu'ils vont se promener avec les plumes, pas à Ottawa. Puis la majorité du territoire qu'ils vont revendiquer, c'est le territoire québécois. Bon, il y a des choses dans l'inconscient humain, dans l'inconscient planétaire, qui forcent l'individu, l'humain, à vouloir conquérir le Québec. Maintenant, le Québec géographique, on n'en a rien à faire. Sauf que présentement, et depuis tout le temps, le Québec veut se séparer du Canada. En réalité, c'est égrégorement parlant que le Québec doit se séparer. La séparation du Québec, elle a eu lieu en 1976. Elle était confirmée en 1976. Bon, sauf qu'évidemment, je ne parle pas de séparation politique, je parle de séparation énergétique. À partir de là, les vrais conflits psychopolitiques sont apparus. Et là, depuis ce temps-là, ça s'entend de moins en moins bien. Et c'est évident que les personnages politiques qui ne comprennent rien à l'affaire font une guerre de... C'est une guerre maintenant privée, hein, parce que c'est une guerre d'égo. Et eux veulent avoir mainmise sur le Québec ou veulent avoir un Québec totalement souverain. Et le pire, c'est que si le Canada dirait aux Québécois, « Oui, mais on va vous donner tout ce que vous voulez. » Évidemment, tout ce que vous voulez, on s'entend, là, mais disons en termes de... Pourquoi le Québec est le seul État planétaire qui revendique un statut propre à lui. Il va être reconnu comme peuple, finalement. Politiquement, dans un pays, ça ne se voit pas. C'est la seule place au monde. Parce qu'inconsciemment, les individus, de plus en plus, sont réveillés, hein, la conscience s'éveille chez eux, à l'idée qu'ils doivent se déconnecter des égrégores nationaux, donc des égrégores canadiens. Ils doivent ne pas se connecter aux égrégores américains. C'est facile de dire, si le Québec se sépare, il va être américanisé tout de suite, ça va devenir un autre État. Ça n'arrivera pas comme ça. Il doit se déconnecter des égrégores français, britanniques, etc. Mais ça se passe dans d'autres pays. En Union soviétique, là, c'est ce qui s'est passé cet hiver? Non, parce qu'en Union soviétique, les individus, eux, ont des langues. En Union soviétique, ce qu'il faut comprendre, c'est que les individus qui sont là sont des territoires conquis. Le Québec n'a pas été conquis, le Québec s'est associé à la Confédération. Autre chose, les individus qui se séparent présentement sont des individus qui ont toujours été en guerre et qui ont vécu une paix forcée, une paix soviétique. Parce que maintenant, l'Union soviétique s'estompe, les problèmes qui n'ont pas été réglés devront maintenant se régler. Tandis que le Québec a vécu en paix avec le Canada depuis la Confédération, il y a des avantages indéniables à être canadien. Surtout que depuis que l'Union soviétique n'existe plus, le Canada est le plus grand pays au monde, parce que c'était le deuxième. Maintenant, le Canada est le plus grand pays au monde et il a tendance, malgré tout, à vouloir s'éclater. Les Québécois disent « on veut rester dans la Confédération, mais on veut être totalement un peuple à part ». C'est ce qui passe mal. Inconsciemment, c'est ce qui arrive. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose, premièrement, au niveau de l'immigration. Si on regarde, par exemple, sur la planète, il y a des choses que vous ne savez pas parce que ceux qui ont voyagé, évidemment, peuvent en avoir une idée. Mais présentement, ici au Québec, on est le seul territoire planétaire où il y a une aussi grande diffusion d'informations apocryphes, des informations qui n'ont pas été divulguées ailleurs, que ce soit des évangiles, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas et d'autres choses. C'est le seul territoire planétaire où il y a une aussi constante et grande diffusion d'informations ésotériques, d'informations occultes, d'informations théologiques de différentes obédiences. C'est le seul territoire où on peut maintenir des émissions de télévision, même si c'est sur le câble, au niveau de l'ésotérisme, au niveau de la radio. C'est le seul territoire où chaque librairie a son rayon d'ésotérique. C'est un territoire extraordinaire et on pourrait dire c'est un territoire naïf, c'est pour ça que ça marche comme ça. Tu vas à Los Angeles, tu n'auras pas la même stabilité, tu n'auras pas la même constance au niveau de l'information qui est diffusée. Tu vas avoir à Los Angeles, par exemple, ou à San Francisco, énormément de nouveautés au niveau de la diffusion d'informations. Mais c'est plus des sectes là-bas, les gens embarquent d'une secte. C'est ça. Sauf qu'ici, on va avoir de l'alchimie depuis longtemps. L'alchimie, Al veut dire Dieu, c'est l'alchimie de Dieu. On aura en numérologie, on aura en tarologie, on en aura en médecine douce, c'est extrêmement fort ici. On en aura en astrologie. Pour parler de vieilles sciences, je ne dis pas que ces sciences-là sont tous exactes ou sont correctes. Je dis simplement qu'ici, il y a une constante. Bon. Il y a... Le roi Arthur disait à ses chevaliers, à la fin de l'époque de la table ronde, qu'il fallait retrouver, pour retrouver le Graal, il fallait retrouver la feuille et la fleur, qui sont le symbole du drapeau du Québec, le symbole du drapeau du Canada. Est-ce que c'est le seul pays que je connaisse où tu as ça, la fleur qui est contenue dans un pays qui porte un drapeau qui a une feuille? Oui. Est-ce qu'à l'époque ou est-ce que depuis si longtemps, c'était d'abord le... Juste comme ça, le symbole du Québec, c'est le lys. C'est un lys qu'on retrouve au Québec. On en a un peu en campagne. Ça, c'est une fleur. La feuille, c'est la feuille d'érable. Ça, vous connaissez l'histoire, la feuille et la fleur. Est-ce que c'était donc marqué dans l'histoire, si on veut, ou dans les mémoires même si on de veut ces pas. Personnes-là? Oui. Si on veut pas aussi. Premièrement, le trésor des Templiers a été caché par des Teutons dans le mont Chic-Choc, donc ici en Gaspésie, au Québec. Continuellement, chaque fois qu'il y avait des mystères particuliers à protéger, c'est au Québec que c'était envoyé. Et chaque fois, c'était lorsque ça sera le temps, et patati, patata. Bon, l'Arche d'Alliance est aux États-Unis. Elle a été rapatriée lors du premier conflit mondial, le grand conflit avec l'Allemagne. Et on a ici, au Québec, énormément de territoires qui détiennent et contiennent des trucs, des phénomènes qui viennent d'un peu partout à l'échelle de la planète. Est-ce que c'est parce que ça laisse des traces dans le temps puis dans la matière pour retrouver finalement le lieu où est-ce que ça doit se passer? Bon, c'est très intéressant. Ce que ça donne simplement, ça permet aux chevaliers de table ronde, c'était pas juste 15, 20, 30, là, je parle à toute la chevalerie au complet, de pouvoir se réincarner au Québec parce que la majorité de ce qu'ils détenaient énergétiquement était placé au Québec. Et c'est ce qui est arrivé. Ça permet à l'intelligence supramentale de dévier vers l'Amérique. C'est ce qui est arrivé lors du deuxième conflit avec Adolf Hitler. Ça permet à la majorité des individus qui ont vécu dans l'initiation dans le passé de s'incarner ici. Bon, il y a un personnage québécois qui est intéressant qui dit que les Québécois sont des Atlantes. Les Atlantes sont revenus au monde au Québec. Ils atterrissent, se réincarnent ici. Les Atlantes, vers la fin de l'époque atlantéenne, vers la mort de l'Atlantide, les plus évolués ont migré vers le Québec, vers la Terre-Blanche, vers le Nord, donc vers le Québec ésotérique. Et de là est partie, la quatrième race mère, la race neuronique rouge, et de là est partie la cinquième race mère. Donc, inconsciemment, lui va dire la même chose. Pourtant, de son origine, il est européen. Et on a la majorité des Européens qui sont le moindrement un peu connaissants ou initiés, savent très bien que c'est au Québec que ça se passe ou que ça va se passer. Si on regarde Nostradamus, qui prédit l'apparition du grand monarque, mais le grand monarque, c'est un Québécois. Hein? Il est né au Québec. On ne parle pas de Maitreya, qui est la fusion réincarnationnelle des grandes entités du passé, qui lui, c'est un Britannique, mais le grand monarque. Il n'y aura pas un grand monarque, il va y avoir sept grands monarques, puis le premier, le Québécois, va mourir, lui, dans un conflit au Moyen-Orient, dans quelques années. C'est ce que moi, pourquoi je veux qu'on comprenne bien l'idée de la conférence, c'est que très et trop souvent, le peuple, les individus québécois, l'être humain québécois, est un être qui se fait charrier par de l'intuition, plus que les autres nations, plus que les autres races, plus que les autres peuples. Maintenant, le fait d'être québécois en tant que peuple, c'est pas nécessaire de se séparer politiquement. Il faut être séparé du point de vue énergétique. En réalité, il faut être un peuple tout seul, en tant qu'individu. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver, c'est ce qui va créer un peuple plus solide. C'est que les individus vont être capables de créer des alliances entre eux, mais sans être attachés. Ils ne tomberont pas en amour, ils vont monter en amour entre eux. Alors, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que la majorité des personnes qui sont ici font la majorité des individus du Québec qui ont évolué et qui évoluent sont prêts ou ont commencé à finir leur évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des individus qui assistent à mes conférences, par exemple, ont fini ou sont en train d'achever leur évolution et ont commencé leur conscientisation. Et des êtres qui se conscientisent sur la planète du point de vue des masses, il n'y en a pas, à part au Québec. Au Québec, on peut rencontrer beaucoup plus de personnes conscientes. Si on regarde, les premiers sommets mondiaux de l'écologie ont été faits à Montréal. Bon, l'écologie, c'est le début de la conscience. Parce que l'écologie, c'est la compréhension des conséquences. Et pour comprendre des conséquences, il faut être intelligent. Et quand je parle d'intelligent, je ne parle pas d'intellectuant. Intellectuant, c'est celui qui a de la mémoire, qui apprend plein de choses et qui s'en rappelle quand c'est utile, qui s'en souvienne. L'intelligent, c'est l'individu qui apprend spontanément, sur le tas, qui subitement sait. Le peuple québécois est un peuple élu, pas dans le sens d'élection. Élu veut dire, c'est la même racine qu'élite. C'est un peuple d'élite. Maintenant, un peuple d'élite, pour la majorité des individus, ça sera nécessairement un peuple soit militairement conquérant, soit financièrement conquérant, soit spirituellement conquérant. Mais l'élite de l'ère nouvelle, ce n'est pas ça. Donc, le Québec ou le Québécois, vous, entre autres, lorsque, à un moment donné, vous vibrez, ou si moi ou quelqu'un vous dit que vous faites partie, vous êtes intelligent, intelligente. Alors, dernièrement, je donnais un séminaire, puis il y a une personne qui, c'est un professeur, elle est venue me voir après la première journée du séminaire, elle pleurait, puis elle me dit, ça fait 35 ans que je vis, puis c'est la première fois que quelqu'un me dit que je suis intelligente, puis que j'ai l'impression qu'il a raison. Le problème, c'est que si je dis, vous faites partie de l'élite, la personne se regarde immédiatement et elle dit « Hey, franchement, pour élite, là, je n'ai vu bien d'autres des élites. » L'élite, ce n'est pas l'individu qui est riche. Ça, c'est de l'élite financière. Ça fait partie de l'ère du poisson. Ça fait partie de l'ère de la forme. Ça fait partie de l'obligation de réussir sa vie pour gagner énergétiquement, on dit mériter quelque chose. Mais n'empêche que les Québécois, seraient économiquement, financièrement, ils se réveillent sérieusement, ils sont en train de se prendre. Parce que la conscience commence à les éveiller. C'est évident qu'il y a des Québécois qui vont se faire ramasser par le piège de la forme. Il y en a qui vont se ramasser par le piège d'être un maître, par le piège des religions. D'autres vont se faire ramasser par le piège de la force. D'autres vont se faire ramasser par le piège de la finance. Mais, vous savez, la race qui vient... Les jeunes en font partie en majorité, puis il y a plusieurs adultes qui vont entrer dans la race de leur vie d'adulte, dans la race nouvelle, dans le peuple élu. Et évidemment, quand je parle rentrer dans la race, ça va se faire au Bangladesh, ça va se faire en Afrique, en Australie, ça va se faire en Union soviétique. Rentrer dans le peuple québécois, ça va surtout se faire au niveau du Québec. Les individus qui vont entrer là-dedans, non seulement vont se conscientiser, mais en plus, subitement, vont découvrir, vont vivre le choc, la dissonance cognitive problématique, c'est-à-dire qu'ils vont vivre la frustration et l'obligation de supporter chez eux l'idée qu'ils sont rien, mélangée avec l'idée qu'ils sont quelque chose, quelqu'un. Et c'est ce qui engendre les frustrations médiocratives, c'est ce qui engendre le fait qu'on veut avancer, puis on fait tout pour ne pas bouger. Parce que justement, ouais, mais tu sais, là, je suis juste un autre tata qui pense que subitement, il est capable de se guérir tout seul, de s'auto-guérir. Je suis juste un autre tata qui peut-être maintenant a la possibilité de se fier à son intuition puis d'aller acheter un billet de loterie puis gagner. Je suis juste un autre tata. Ils vendent pour, par exemple, 3 millions de billets de loterie. Bon, bien, sur 2 millions d'individus, disons 1 million d'individus, il y en a qui en achètent 3. Puis la personne, elle se dit, j'étais un autre tata qui pense qu'il va gagner. Et ça, c'est pourquoi c'est important qu'on comprenne la conférence de ce soir. Parce que l'être humain qui se conscientise, non seulement il vit individuellement, et l'individualisme québécois a été vanté à travers la planète, c'est évident que par l'intelligence, il va commencer à s'unir et à s'allier. Sauf que la richesse, la force, donc le pouvoir, l'expansion religieuse, les manipulations de masse par les philosophies religieuses, ça fait partie, ça, de l'ère ancienne, de l'ère du poisson. Et le phénomène de la finance et le phénomène, non pas du pouvoir, mais le phénomène de la puissance, fait partie des résultats secondaires de l'éveil de l'intelligence par le biais de la conscientisation dans l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Québécois qui fait partie d'un peuple d'élite, c'est un être humain qui n'a pas nécessairement d'argent et qui n'est pas nécessairement pauvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître l'élu en fonction de son contexte matériel, pas présentement. Dans 20 ans, probablement. Mais on va reconnaître qu'il est un peu un être humain élu, donc fait partie du peuple québécois ésotérique, non pas parce qu'il a de la finance, mais parce que chez lui, il est centré dans son intelligence. Et le résultat secondaire de la centricité, c'est la puissance, la santé et nécessairement la finance. Parce que la finance te donne le temps, elle te donne la matière, ce qui te permet de gérer ta vie. Alors que présentement, l'humain ne gère pas sa vie, l'humain est géré par la finance. Vous manquez d'argent, vous travaillez plus, vous manquez d'argent, vous n'allez pas en vacances, vous n'achetez pas ceci, vous en avez, vous paniquez ou vous l'économisez, donc vous dépensez ou non. Présentement, la majorité, et pensez-y, la majorité de votre cheminement évolutif est dépendant de votre ressource financière, en majorité. Tu viens pour acheter un livre, hop, c'est 120 $, je le remets là. Mais c'est peut-être la solution. Tu es malade, tu veux acheter un livre pour te guérir, 29,95, puis il en parle juste un petit peu. L'autre, il est 49, lui, il est 17, puis tu ne sais pas. Tu veux vivre en santé, alors tu veux acheter des aliments qui sont corrects pour ta santé. Puis là, ça coûte ci, puis ça coûte ça, puis ça coûte ça, puis tu ne peux pas. Alors, tu te rends compte que c'est évident qu'en effet secondaire, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau va avoir la finance. Sauf que celui qui recherche la finance n'est pas un être élu. C'est qu'il va avoir la matière pour supporter son intelligence, simplement. C'est uniquement ce qui va arriver. Il va avoir la matière pour supporter son énergie. Est-ce qu'on va reconnaître l'élu ou le peuple élu, vu qu'on ne le reconnaîtra pas par sa finance ou par sa forme? On va le reconnaître par une marque sur le front. Accidentelle? Ou... Je pensais plus que c'était par la fente qu'il y avait en dessous du nez. Je pensais que c'était... Par sa grande gueule? Sa grande gueule, je ne voulais pas le dire comme ça. Mais la fente horizontale. Non, c'est par une marque qu'il va avoir dans le front. Ça, je n'y crois pas. Oh, ben c'est tant mieux, parce qu'il ne faut pas croire. Il faut savoir. Il faut savoir ce qu'on sait, il faut savoir ce qu'on ne sait pas. Mais il y en a d'autres qui ont parlé de terre promise, et puis les Israéliens, et puis qui ont parlé d'élus, et je ne sais pas c'est quoi avec eux. Comparativement à nous, là, tu parles de... Parce que tantôt, tu disais le Québec, ça veut dire endroit d'où naissent les races. Bon. Et aussi, le peuple élu, et aussi, tu parles de Marc. Mais tout ça, les Israéliens en Palestine, les prophètes ont parlé des langages semblables. Oui, puis ils avaient raison pour l'époque. Qu'est-ce que tu as à te plaindre des prophètes? Les Nazaréens avaient raison. Les Romains sont devenus les grands conquérants. La France avec Napoléon était géniale. Les Britanniques ont conquis la planète. Le Portugal et l'Espagne sont divisés le monde à un moment donné. Les Japonais ont failli faire la même chose. Il y avait-tu de l'intelligence qui était là dans ce temps-là? Je veux qu'avec les Québec... Oui, il y avait de l'intelligence, mais un peu comme... Comme pas beaucoup, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, je veux qu'avec le Québec maintenant, c'est différent. Ça fait partie de la spiritualité que Michel a peur. Oui, mais est-ce que c'est une réalité? Non. Le Québec va vivre une montée, le Québec va vivre une apothéose, puis le Québec va vivre une apocalypse. Mais est-ce que, là, quand il pense... Parce que moi... Pas tous les Québécois, je parle du Québec, là. Oui, c'est ça, là. Ce que je vis, de ce que je vois les gens que je côtoie vivent la même chose, c'est que c'est comme si, présentement, là, c'est la dernière fois. Là, oui, mais ça va finir. Là, la conscience, on va arriver à un maximum, un bout, je sais pas, ça va être d'autres choses après, mais pas à revenir sur la Terre ou continuer, il va y avoir d'autres choses. Bon, est-ce que dans ce temps-là, eux, ils pensaient que c'était fini, là? Dans un sens positif. Non, la majorité des peuples élus du passé pensaient étendre leur règne sur 1000 ans. 1000 ans, c'était génial. 1000 ans, c'était l'infini. Parce qu'à l'époque, quand tu vis 25 ans, 1000 ans, c'est loin. Bon. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, on peut parler de quelques milliards d'années quand on veut être un peu plus à la mode dans la spiritualité. Sauf qu'au niveau du peuple québécois, la majorité de l'essence du Québec, premièrement, la marque sur le front, c'est vrai. Bon. Quand on regarde avec... Ça va être quoi, la marque? Quand on regarde avec le troisième œil, qui est une glande, qui est l'hypophyse, quand on regarde, remarque qu'on travaille avec le troisième œil, parce que plusieurs pensent que c'est l'épiphyse, l'épiphyse, c'est le centre coronal, c'est pas le troisième œil. Bon. Alors, on voit, par exemple, les individus, et quand je vous regarde, je vois tout chez vous une grande, grande marque d'ego, parce qu'il y a un immense, immense, immense canal central qui tourne au niveau du troisième œil. Chez l'être nouveau, le troisième œil s'estompe totalement. Toute la clairvoyance, la clairaudience, la clairperception, tout ça disparaît complètement. Et l'être nouveau n'est plus capable d'être en contact avec l'astral. Donc, il n'est plus capable d'être en contact avec les annales akashiques, ni avec le monde mémoriel du monde de la mort, ni avec le ciel, ni avec les mémoires du passé, ni avec les réincarnations, parce qu'il n'a plus de mécanique, il n'a plus de troisième œil. Ça va donc être l'absence d'une marque. De signe. C'est ça. C'est qu'il va être reconnaissable à la marque dans le front, parce que l'être nouveau, c'est le seul qui n'aura pas de marque dans le front. Est-ce que tout le monde va voir ça? Non. Ah. Mais les voyants vont se rendre compte subitement que tu n'as pas de marque. Ceux qui n'ont pas de marque vont voir les autres qui n'en ont pas. Bien, ça, c'est évident. Mais tu n'as pas besoin de regarder voir s'il y a une marque. C'est-à-dire que c'est pas une question de perception du troisième œil. C'est une question de percevoir la centricité chez l'individu. Quand le Nazaréen dit... et je connais bien le Nazaréen. Quand le Nazaréen dit que c'est pas comme l'humain s'il en attend que ça va arriver. C'est sûr, il y en a même, j'en ai vu, il y en a même qui se font des marques. Pour être élus. Ils sont élus, mais pas dans la même chose. Bon. Hein, il y en a qui se font des marques. Et puis, moi, j'ai une marque, je ne sais plus quel côté. Puis, il y a un bonhomme, à un moment donné, qui a déjà dit que ça, c'est une opération extraterrestre pour placer un affaire communiquée. Un microprocesseur, peut-être. Ouais. C'est... Un implant. D'autres me disent un implant. D'autres, quelqu'un me disait, c'est une marque comme ça qu'il faut avoir. Et ici, je la sens. Hein, les élus. Non, ça, c'est ma sœur qui m'a passé à travers un corps et fenêtre quand j'avais 3 ans. Bon. Alors, il faut que vous ayez 3 ans, une sœur violente qui vous traverse à travers un corps et fenêtre si vous voulez être élu. Vous voyez? Bon. Ça ne fait pas partie. Elle était forte, hein? Elle était forte, non, elle était très colérique. Ça a tout arraché. Mais aujourd'hui, après. Ça a tout arraché tes cheveux. Ah, ben ça, c'est. Fais attention, tu es là, tu sais, ta sœur, tu ne la connais pas encore. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que vous ne pouvez pas reconnaître le peuple élu en fonction de ce qui l'entoure. Autrement dit, présentement, vous n'êtes pas capable, en majorité, l'humain n'est pas capable présentement de reconnaître un être dont il y tose. En voix. Pourquoi? Parce que l'être humain, même vous, vous vous observez en fonction de vos acquis. Ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui du point de vue de l'ère ancienne, donc du point de vue planétaire. Ce n'est pas votre santé qui déterminera ce que vous êtes, ce qui détermine dans l'absolu ce que vous êtes. Ce n'est pas votre corps physique, ce n'est pas votre âge, ce n'est pas votre sexe, ce n'est pas votre ethnie du point de vue de la génétique, ce n'est pas votre confort financier, ce n'est pas votre localisation géographique. Ce n'est pas ça. C'est quoi? Ben, c'est pas vrai. L'intelligence, la centricité chez l'humain. À 2 ans, là, c'est un élite. Il est centré. À la crise de l'adolescence, alors qu'il va se faire posséder par toutes les lignées familiales qui tiennent à venir jouir d'un corps, qui commence à jouir sexuellement, bien là, notre élite, notre jeune élitique, à l'adolescence, il peut se faire amasser à un point tel qu'il est rendu un être mort après. Plus lui, cela. L'enfant est mort, tué, puis là, il est rendu un adulte, fier de ça, parce que c'est sûr, les adultes sont rendus dedans. Bon. Mais l'être élitique se reconnaît à la centricité de son intelligence, et l'être humain se centre dans son intelligence, autrement dit, se dirige vers l'illumination, c'est-à-dire, l'illumination, c'est la capacité d'ôter ses lunettes de soleil. C'est l'illumination. Quand on conduit et qu'il y a beaucoup de soleil, bien, on est aveuglé. On a un problème oculaire, puis on risque de prendre le champ. Alors, on prend des verres fumés. Ce qu'on voit, c'est plus ça. C'est pas les bonnes couleurs, c'est pas les bonnes teintes, c'est pas la même clarté. C'est ombragé. Par contre, ça nous permet de ne pas nous casser la gueule. Et jusqu'à date, les religions servaient de verre fumé. Ça permettait à l'humain psychologiquement là, de ne pas se casser la gueule. On est rendu dans la deuxième partie. Non. La science faisait ça. Toutes ces choses-là font en sorte que l'être humain, justement, va vivre d'une façon obscurcie. La centricité de l'être humain, c'est ce qui va déterminer le fait qu'il va devenir conscient, qu'il va devenir un être élitique. Pour être centré, il doit s'éveiller. Savez-vous que vous avez tous un dormeur qui doit se réveiller? Et ce dormeur-là, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est l'être absolu. Mais ce dormeur-là, de temps en temps, il essaye. Puis il tourne sur lui un peu, il s'étire un petit peu. Puis là, on le sent. Là, subitement, on a une crise de conscientisation, une crise d'écologisation, une crise où là, je ne veux plus manger ça, une crise où là, je veux me prendre en main. Et il fait juste étirer un petit peu. Et inconsciemment, il laisse des traces suffisantes dans vos consciences astrales pour que, quelque part chez nous, on sache, on sait. Et là, on appelle ça comme on veut. Je suis un Dieu en potentiel, ou je suis quelque chose, ou je suis relié. Bon, les termes ne sont pas importants. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'à l'instant où quelqu'un va avoir l'impression qu'il est autre chose que de la matière, qu'il est autre chose que son compte en banque, qu'il est autre chose que son passé, vous êtes un ex-détenu, n'a rien à faire. L'être humain est manipulé puis charrié au maximum. C'est pas vous qui avez fait des conneries. Vous êtes une ratée, c'est totalement une illusion. Parce que l'être humain ne peut pas se brancher sur ce qu'il est actuellement pour déterminer ce qu'il est dans l'absolu. Et l'être humain qui se conscientise, l'être humain qui de plus en plus va se centrer dans son intelligence, non seulement renversera plus de glace, mais ça, c'est des choses qui viennent à la longue, là. Hein? Non, mais en réalité, c'est pas vrai. Il va encore renverser de la glace, mais il sécrétera pas endocrinalement quand il va le faire. Autrement dit, le cœur accélérera pas, il transpirera pas, il rougira pas. Il y aura pas de problème astro. Écoute, tu prends de l'eau, puis t'en renverses. C'est de l'eau qui est tombée. Ma vie est-elle bouleversée? Ma vie n'est pas bouleversée. Mais l'être humain qui est relié à l'ère ancienne, lui, sa vie est bouleversée. Pourquoi? Parce qu'il est pris avec son passé. Est-ce que l'être humain qui renverse de la glace, bien, c'est ça, dans l'absolu. C'est un niaiseux, c'est un maladroit. Mais l'être humain qui vise et qui décide, qui centre ce qu'il est lui, en fonction du fait qu'il glisse dehors en sortant l'hiver, paf, tombe sur le cul. Tu sais, là, il vient une conférence bien énergisante, là. Là, il n'y a pas de neige dehors, faites-vous-en pas. Il fait trop chaud pour pelleter, fait qu'il neigera pas. Bon. Mais imaginez que l'individu sort, là, il est tout bien énergisé. Puis là, paf, sous le derrière. Mais là, son énergisation d'élite, là, est rendue où ce qui est lui, au niveau des fesses. Mais c'est de l'illusion. Vous n'êtes pas ce que vous paraissez être. Mais ça, l'être humain doit le comprendre. Le Québec, quoi, est une race d'élite. Et quand je parle d'élite, je parle au niveau de la conscience. Et je dis bien, parce qu'il y a des choses qui vont changer dans le monde à venir. Ça fait pas mal, tiens, le monde à venir. Attention, toi, là. Spirituel, la gang, là. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'ère qui vient, dans l'ère nouvelle, dans les mécaniques sociopolitiques qui vont être amenées, c'est que l'être humain et l'éthique sera extraordinairement ajusté et extraordinairement sélectif dans sa conscience. Ça veut dire qu'il aura la capacité de reconnaître n'importe quel nouvel arrivant. Donc, tu n'es pas de la race d'élus. Et puis, demain matin, je le rencontre et puis il fait partie du peuple québécois d'élus. Alors que dans l'ère PCN, dans le passé, c'est uniquement une flatterie astrale réincarnationnelle. Autrement dit, tu n'as pas les bons gènes, alors c'est gênant, mais tu ne fais pas partie de la race des élites. Parce que tu ne viens pas de filiation, génétique, t'amenant là, ce qu'on faisait avec les rois avant ou avec les snobs. Les bourgeois. Est-ce que notre langue d'expression, qui est le français, puis à laquelle politiquement on tient beaucoup, d'ailleurs, j'entendais hier une auteure européenne qui disait qu'elle trouvait qu'au Québec, on défendait mieux le français qu'il faisait en France. Ça, c'est évident. Mm-hmm. En France, ils défendent l'anglais. Est-ce que la langue d'expression a un rapport avec le développement de la conscience? Oui. Ça fait partie des choses. Premièrement, la langue, le québécois, c'est la langue présentement la plus ajustée pour descendre de l'intelligence supramentale dans un être humain en voie de conscience. Autrement dit, en anglais, on peut descendre de l'intelligence supramentale, mais ça ne conscientisera pas le récepteur. En québécois, pas en français, en québécois, lorsque l'on descend de l'intelligence supramentale, ça conscientise le récepteur. De ce fait, la parole devient plus importante que le silence. Parce que la vibration des mots est différente. Oui. Et c'est extraordinairement important que le québécois ajuste sa parole pour ne pas dire, comme on dit en France, par exemple, quand on parle français, on dit « j'ai parqué mon camion dans un parking en face d'un self-service à côté d'un drugstore et je vais aller faire du shopping. » Ça, c'est français. Si vous dites « j'ai stationné mon truck dans un stationnement en face d'une pharmacie près d'un libre-service pendant que je vais aller faire du magasinage », les Français sont offusqués, vous avez dit en anglicisme « truck ». Bon. Maintenant, c'est un fait. On doit travailler son ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est une mécanique qui, inconsciemment chez l'humain au départ, vient ajuster sa parole. Et la parole ajuste la pensée. Plus vous parlez mal, plus vous pensez mal. Tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire ou bon. Chaque fois que l'être humain parle, il s'auto-détruit. Et ça, la langue française, comme toutes les langues, font cela. Sauf qu'on doit travailler. Premièrement, éliminer tous les anglicismes. Quand on parle anglais, on parle anglais. Quand on parle japonais, on parle japonais. On ne dit pas « me chinoyer » parce que japonais a nagé. Tu sais, ça, c'est du chinois et du japonais. Bon. Quand on parle français, on parle français. Ça veut dire qu'on élimine les anglicismes. Et il y a des personnes qui me disent « oui, mais c'est parce que c'est plus vite ». Écoute, si c'est plus vite, parle donc juste en anglais. Ça va être mauditement plus vite. On doit s'arranger pour perfectionner sa langue. Pourquoi? Parce que la langue est le véhicule qui va permettre la descente de la conscience. Et parce que l'on aura une langue plus propre, une parole plus juste, on va instruire notre ego par nos oreilles. Comprenez le principe. L'intelligence, ça descend chez l'humain. Sauf que la majorité des êtres humains qui ont des relations avec l'intelligence vont parler. Et en parlant, l'ego, leur mémoire, ce qu'ils sont eux, le passé, vient parler en même temps qu'eux autres. Alors, ils vont toujours nuancer et atténuer ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, je ne le sais pas trop, c'est un chien qui m'a mordu. Bon, ben, tu le sais, tu viens de le dire. Mais on parle comme ça, je ne le sais pas trop. En anglais, c'est le n'est-il pas. Tu sais, y est-il, n'est-il pas? Bon, on peut le traduire là, bon. On a des mots comme ça qui font en sorte qu'on est toujours en train de se démolir. Non, mais c'est-tu beau? On l'a déjà dit l'autre fois, c'est un petit Christ, il est mauvais, c'est un bon diable, il est bon. C'est l'inverse. Bon. Alors, on le dit. Ce qui est important, c'est de comprendre que plus nous allons parler convenablement et plus nous allons nous autoriser à dire ce qui se passe chez nous, plus nous allons, par le biais de nos oreilles, instruire notre ego. Et l'ego, ça fait partie de l'âme, et ça fait partie du passé, et ça fait partie de l'inconscient, du conscient, du superconscient, de l'infraconscient, de la psychologie. Et ça fait partie de ce qui vous rend malade, de ce qui vous fait vieillir, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous draine en énergie, de ce qui vous démotive, puis de ce qui vous médiocratise. Mais l'ajustement de la parole, ça peut se faire dans n'importe quelle autre langue aussi, parce que... Oui. Sauf que présentement, le français a... Présentement, c'est pas absolu, ça, là. Présentement, le français, c'est le québécois, c'est la langue qui permet le mieux la conscientisation, donc la centricité dans l'intelligence, de celui qui reçoit l'intelligence. Parce que, on ne peut pas tout expliquer, des choses qu'on voit plutôt en séminaire, mais il y a la colère mentale qui doit exister à un moment donné. Et une colère mentale atteint son summum de puissance en québécois. C'est à cause de l'énergie. Il n'y a rien de mieux qu'un québécois en beau pour te placer l'astral. Ta place. En anglais, c'est pas autant. En français, c'est pas la même chose non plus. T'sais, je te laisse quelques secondes pour que tu ne sois plus qu'un point à l'horizon. Christon, aucun! Ça, c'est en québécois. Ça, c'est bon. Hein? Alors, des reculs poussières avant que je te renifle. Bon, c'est des façons de dire des choses. Mais... Je voudrais revenir sur ce que tu disais voyez, tantôt. Voyez, parole fausse. Il voudrait revenir. Je reviens. Non, je n'ai même pas à dire. J'ai dit qu'est-ce que j'ai à dire. Oh non, mais vous comprenez l'idée, là. C'est exactement ça. On passe nos vies à se démolir, et ce n'est pas uniquement français. Sauf que le français, l'avantage qu'il y a, c'est que lorsqu'on applique le français par son centre laryngé, on crée de la centricité dans l'intelligence. Donc, on se centre plus facilement. Ça va se faire en anglais dans pas grand temps, ça va se faire... L'espagnol va passer avant l'anglais. Bon, après, ça sera en anglais et ça va se faire comme ça. Le français, c'est pas la langue de l'élu. Sauf que présentement, le français du Québec, c'est la langue la plus intéressante pour arriver à se centrer. Bon, tu as dit tantôt qu'il allait avoir une apothéose, une montée, l'apocalypse, bon, une désillusion du peuple québécois. Finalement, c'est ceux qui n'auraient pas de signe qui se verraient avoir un avenir qui serait plus intéressant, ceux qui seraient plus centrés, ceux qui seraient finalement plus transparents, pas d'égo et bon. C'est intéressant. Mais il arrive pour aboutir où ça? Alors, finalement, tout ce passé-là qui arrive à faire qu'il y a une terre qui est propice amène un peuple élu. Il y a une élite qui sort de là, mais pour faire quoi? Où est-ce qu'on aboutit? C'est important ce qui t'amène là. Pourquoi? Parce que le peuple, quand l'Égypte a commencé à descendre, bien avant l'Égypte, c'était l'Inde. L'Inde a été un territoire extraordinaire à l'époque de Rama. Rama qui veut dire bélier. Bon. Et puis, Abraham a eu un peuple. Abraham, ça veut dire celui qui est issu de Ram. Ram, Rama, l'issu du bélier. Après ça, il y a le Nazaréen, l'agneau de Dieu. Hein? L'agneau, c'est le fils du bélier. Bon, hein? Ça se suit, ça, là. On parle de l'Inde, là, avec Rama. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Inde, lorsqu'elle a commencé sa déchéance, les élites sont parties. Lorsque l'Égypte a commencé à tomber, l'élite est partie. Alexandrie, ce fut génial. Lorsque Rome est tombée, l'élite est partie. Lorsqu'Adolf Hitler a commencé à s'effondrer, l'élite est venue en Amérique. Adolf Hitler, puis on peut t'en donner un paquet, Von Braun, puis il y en a toute une liste. Quand le Québec va monter, je ne parle pas d'élite matérielle, je reviens là-dessus encore, c'est pas une élite de grande gueule. C'est un élitisme où l'être humain va être capable d'être joyeux. Il ne recherchera pas le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de mémoriel. Es-tu heureux? C'est difficile à dire. Es-tu joyeux? Ça, c'est spontané. La joie, c'est instantané. Ça fait partie de l'être nouveau. Bon, lorsque l'être humain... L'élitisme fait partie de l'expression de l'énergie, c'est-à-dire que l'être humain va cesser de réfléchir. Et dans sa tête... et de réfléchir de l'énergie, et l'être humain va commencer à rayonner, donc à savoir instantanément. Et quand le peuple québécois va arriver à un certain standard d'énergie, c'est évident qu'il y a un immense aimant d'individus qui vont se grouper dans l'égrégore politique du peuple québécois. Mais là, ce n'est pas l'égrégore énergétique du peuple québécois. Et quand je parle du peuple élu, c'est à peine quelques millions d'individus. Bon. Par vague, évidemment. Bon, évidemment, donc, par vague. Et puis, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que les individus qui vont entrer dans l'égrégore du Québec politique, ces individus-là, eux, qui ne se centreront pas, parce que la forme va les impressionner, donc la forme va altérer suffisamment leur conscience pour que l'ego prenne le dessus, et c'est ce qui va créer, à un moment donné, ce qui s'est passé à travers tous les peuples, une forme de bourgeoisie non progressive, parce qu'il y a les aristocrates. Et il y a les aristocrates snobs. Bon, il y a les aristocrates qui sont des êtres ascendants, Aristos, Kratos, on parle de pouvoir, mais c'est la puissance, de l'élite. Et on a évidemment les aristocrates qui sont snobs. Ces personnes-là sont ceux qui vont copier, donc ceux qui vont jouer l'élitisme. Et progressivement, après quelques années, le Québec, dans son ensemble, du point de vue de la structure politique, géopolitique, va devenir un État qui va devenir stable. Plus un État est en bouleversement, plus il peut avancer, évoluer et finalement se conscientiser. La stabilité, c'est la stabilité aussi. La stabilité, c'est la mort. C'est ça. Oui, la stabilité, c'est la mort. Donc, nécessairement, un État qui est en perpétuel changement, un État politique ou un État planétaire ou un État psychologique, quand vous êtes totalement calme, comme la surface d'un lac qui n'est pas dérangé par le vent et où flottent les nénuphars blancs, bon, hein? Quand votre esprit calme comme le roseau qui, bon, etc., là, bien, vous êtes des êtres morts. C'est sûr que depuis l'Antiquité, c'est ce qu'on recherche. On fait du zen assis, du zazen, et puis on médite, puis on ne veut rien avoir dans la tête, puis on va avoir le... Oui. Et pendant qu'on a le... qu'on soit à l'église, qu'on n'importe où, on ne travaille plus. Ça avance plus. Il n'y a plus rien. L'être humain, c'est pourquoi d'ailleurs la planète Terre vit des guerres, des tremblements de terre, des épidémies, des ceci, des cela, puis d'une vie sinusoïdale, archangélique, humaine, uniquement pour l'obliger à ne pas être stable. On doit toujours être dans un équilibre instable, et ça, c'est la centricité dans l'intelligence qui va permettre ça. Donc, après quelques années, il y aura des êtres humains qui vont voir la puissance, votre puissance pour plusieurs, et ils vont essayer d'imiter votre puissance, et ils vont donc exprimer du pouvoir. Le pouvoir, c'est de la puissance dirigée par de l'ego. Alors, quand on fait des élections, actuellement, on rentre au pouvoir. On veut avoir du pouvoir, on veut des pouvoirs occultes. Le pouvoir, c'est de la puissance dirigée par l'ego. L'être humain qui est puissant et qui dirige, qui laisse sa puissance dirigée par l'intelligence, c'est un être humain puissant. C'est un être humain qui est beaucoup plus réconfortant. C'est un être humain qui est beaucoup plus calme. Ça bouge en dedans. C'est un être humain qui n'a pas besoin de se prouver. Donc, il n'a pas besoin de dire « Moi, je suis un élu. Voyons donc, je vis sur l'assistance sociale. » Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. L'être humain qui fait partie de l'élitiste, c'est un être humain qui va être totalement, dans son expression, dynamiquement calme. Et ça fait partie du paradoxe de l'être nouveau. Il va être continuellement dans une attente active. Mais à ce moment-là, l'être nouveau, là, il pourra pas, est-ce qu'il va cohabiter avec ces gens-là qui vont avoir copié finalement l'état de cet être-là? Ils vont être à même place en même temps? Oui. À même place, en même temps. Okay, ils vont vivre ensemble. Grosso modo, oui. Bon, ils ne feront pas comme les autres qui ont... Je vais vous expliquer une chose intéressante. Premièrement, ça se réincarne chez vous 24 heures sur 24, 365 jours et quart par année. Bon. Ça se réincarne continuellement. On n'a pas des réincarnations du passé, c'est sans arrêt. Et c'est ce qui nous crée une effervescence puis des stimulations psychologiques. Mais il y a une autre façon de se réincarner. Présentement, là, je le dis, là, n'ayez pas peur, parce que de toute façon, ça s'est toujours fait comme ça, puis vous ne pourrez pas y échapper avant quelques vies. Présentement, vous êtes tous plus ou moins en train de vous réincarner les uns dans les autres. Tu vois ça? Je suis pas côté de moi. Voyez-vous eux autres aussi, là? Bon. Présentement, ça veut dire quoi? C'est pas des influences? Ce qu'on, il y a un terme plus une influence juste. D'environnement? Il y a un terme plus juste qui s'appelle la réincarnation par imprégnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, un individu, vous gardez un enfant. L'enfant, il vit de telle façon, puis vous le gardez, vous êtes un foyer d'accueil, vous le gardez pendant 3 ans. C'est évident que si vous êtes suffisamment conscient, même si vous ne l'êtes pas, mais si vous êtes suffisamment conscient, ça va être mieux, par imprégnation, vous allez vous réincarner chez lui. Donc, progressivement, il va prendre des attitudes que vous avez. Assez que si vous le gardez plusieurs années, il y a des individus, puis la majorité du monde qui vont le voir, dans une salle tout seul à part, vont dire « Ah, il me semble que c'est l'enfant d'un tel. » Mais ça m'est arrivé. C'est même pas votre enfant génétiquement. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai adopté une fille qui est chinoise, ça fait 3 ans que je suis chez nous. Puis son professeur à l'école, quand elle m'a vu rentrer dans l'école, elle dit « Ah, vous, vous êtes le père de Catherine. » Moi, je m'ai vu, elle dit « Elle vous ressemble, elle est chinoise. » Physiquement, elle ne peut pas me ressembler. C'est ça. Parce qu'énergétiquement, maintenant, elle a la saveur du professeur, parce qu'il y a des professeurs qui sont extrêmement sensibles, elle a perçu la saveur de ta fille, et en te voyant, elle a reconnu la même saveur. Par imprégnation, tu te réincarnes chez elle. Ça veut dire Est-ce quoi? Est-ce que ça peut être l'inverse? Bien, c'est aussi un peu l'inverse, mais présentement, tu as une dominance sur elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple, la majorité parmi vous, lorsque... Qu'est-ce qui est intéressant quand je dis la majorité parmi vous? La majorité décide que ce n'est pas eux autres ou décide que c'est eux autres. C'est le médiocriste puis le superlativiste. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que l'élitiste va vivre effectivement avec le reste du peuple, sauf que progressivement, le reste du peuple, par imprégnation, va devenir semblable à l'initié, donc à l'élite. Mais il va se passer une chose que vous devez comprendre puis qui va expliquer ce qui s'est passé dans le passé souvent. À l'époque de Sri Aurobindo, par exemple, tous les individus qui l'entourent comprennent. Ils sont dans l'intelligence supramentale, ça fonctionne. Il y a mère, il y a cette prime, il y en a un bon paquet. À l'époque du Nazaréen, il n'y a pas 12 apôtres. Il y en a 63 principaux, 12 très, très amis, parce que des canaux différents. Puis il y a des centaines d'individus. Puis à un moment donné, ça tombe. Et à chaque fois qu'il y a eu un grand maître, chaque fois qu'il y a eu un avatar, que ce soit Siddhartha, le Bouddha, tout le temps, quand il meurt, quand il s'en va, progressivement, tout tombe. Savez-vous pourquoi? Puis dans les peuples, c'est la même chose. Il arrive simplement à ceci, c'est qu'à un moment donné, l'individu, c'est par imprégnation qu'il fait monter les autres. Le peuple québécois, le peuple élite, par imprégnation, va faire monter la planète. Sauf qu'à un moment donné, il va s'en aller. Et les individus qui n'étaient pas dans leur intelligence, mais qui étaient dans l'intelligence du peuple québécois, autrement dit, les disciples qui ne sont pas dans leur intelligence, mais qui sont dans l'intelligence d'Aurobindo, bien, lorsque lui s'en va ou lorsque le peuple va s'en aller, bien, les individus progressivement vont revenir à ce qu'ils étaient. Alors là, on dit, gars, il est venu, ça n'a rien donné. Il est venu pour lui et pour des individus. Mais par imprégnation, progressivement, les individus vont revenir à ce qu'ils étaient. Ça leur donne un bon coup de pouce génétique parce qu'ils ont réincarné les individus plus génétiques. Ils ne perdent pas tout, finalement. Ils ne descendent pas en bas. Sauf qu'à un moment donné, progressivement, ils vivaient telle chose. Puis à un moment donné, ben là, au moment où tu lâches un groupe, tu étais végétarien. Puis à un moment donné, tu es rendu dans la viande. Tu as tout abandonné. C'est que tant que tu étais là, tu étais dans l'énergie du groupe et pas dans la tienne. C'est ce qui va arriver au niveau du peuple, ce qui va arriver au niveau des avatars et ces choses-là. Vous avez là l'Apocalypse? Le peuple québécois est un peuple élu, vous faites partie de ce peuple-là. Ce qui est extrêmement important de vivre, donc de retenir du point de vue de l'ego, mais de vivre du point de vue de l'intelligence, c'est que regardez-vous pas la face dans un miroir ou votre état actuel pour savoir ce que vous êtes. Observez plutôt ce que vous vibrez en dedans, parce que c'est vers l'avenir, vers les réincarnations de l'avenir qu'on peut déterminer qui est qui. Moi, je vibre, je peux pas rien faire. Parfait, tu fais partie de la race nouvelle, parce que ça commence au niveau de la vibration. Après, ça va arriver au niveau de l'action. Si on se regarde, on va voir qui on était. Toujours qui on était, puis on peut pas décider qu'est-ce qu'on est. Parce que subitement, si tu te conscientises, tu sors de là. Là, si tu regardes qui t'étais, c'est plus toi.